Je suis le fils maudit d'une société flétrie. Je ne suis pas un bandit et pourtant il me fuit. Quand je sors dans la rue, on me tire dessus des tas d'objets pointus qui me font mal au cul. Ça fait chier, ça fait chier, ça fait chier. Si vous me croisez, vous me reconnaîtrez, car de la tête aux pieds, de bleu je suis enflé. Tous ces gens malfaisants, même quand j'étais enfant, tous en cœur en riant, m'en foutaient plein les dents. Lolita, elle voulait pas de moi, mes sous elle n'en veut pas, il me reste mes doigts. En voulant me satisfaire, derrière une barrière, un taureau par derrière m'a fait sauter en l'air. Quand la police, toujours plein de malice, me livre en sacrifice à cette putain de milice, il m'envoie à l'église, pas pour me faire des bises, sous les coups il m'enlise, à l'aide Sainte-Louise. Ça fait chier. la fin de mon histoire. Vous file le cafard. Ne perdez pas espoir. Je reviens demain soir. Dans leur rêve je me glisserai, leur nuit je hanterai, car elle va arriver, la vengeance masquée. Je fais chier, je fais chier, je fais chier, je fais chier. Je fais chier. Je fais chier. Je fais chier. Je fais chier.